Hier, c'était pas pour moi seulement un coup d'État. Parce qu'un coup d'État, on peut le faire sans tuer quelqu'un. Mais quand on débarque dans un pays sans y être invité, avec des armements de guerre, avec des armes lourdes, des forces spéciales, je pense 39 personnes qui sont membres de la force spéciale en Côte d'Ivoire, pour moi, c'est pour faire la mise à mort des dirigeants du Mali. Donc, la Côte d'Ivoire, c'est son rôle historique. Je ne parle pas du peuple frère ivoirien. Je ne parle pas de la République sœur des Ivoiriens de la Côte d'Ivoire. Je parle des dirigeants comme Ophé Boigny pour liquider, pour faire la mise à mort de tous les présidents qui avaient des velléités d'indépendance, tels que Modibo Keïta, tels que. Afrique Média, le monde, c'est nous.